Laisse ton empreinte, elle est unique. La peinture sur le plancher, c'est pas dramatique. Laisse ton empreinte, elle est unique. Ta main rouge sur une feuille, ça c'est magique. Quand tu souris ou quand tu ris, quand tu pleures pour un malheur, quand tu chantes ou quand tu danses, et quand tu cries pour être compris, tu graves dans nos mémoires tout plein d'histoires. Laisse ton empreinte, elle est unique. Du crayon sur une table, c'est pas dramatique. Oui, laisse ton empreinte, elle est unique. Tes pieds valent sur un carton, ça c'est magique. Quand tu es sage comme une image, ou que tu fais le pitre comme une huître, quand tu grimaces comme une limace, et ce que tu racontes est comme dans un conte, tu graves dans nos mémoires tout plein d'histoires. Oh, laisse ton empreinte, elle est unique. De la boue sur le tapis, c'est pas dramatique. Oui, laisse ton empreinte, elle est unique. Du maquillage sur ta joue, ça c'est comique.